إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On continue la lecture ainsi que la traduction du livre du livre Umdatul Ahkam de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, ainsi que l'explication qui est accompagnée du Cheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre du Tayammum, qui est couramment traduit par ablution sèche, et nous avons également terminé ce chapitre. Nous l'avons donc commencé et terminé la semaine dernière, et on a expliqué divers hadiths, dont le hadith de Imran ibn Husayn, qui se propose pour nous le réciter. Tadam. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم, فقال رسول الله فقال, يعني في لفظ الحديث, فقال يا فلان, ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد بالصاد ليس بالسين, فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم, أحسنت. Le hadith suivant, le hadith d'Ammar ibn Yasir, qui se porte volontaire. Salim. Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu, ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi haja. فتمرقت في الصعيد كما تمرغ الدابة, ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. نعم. فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدي هكذا, ثم ضرب ضربة بيده الأرض ضربة واحدة, ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم, بارك الله فيك. والحديث الثالث, le troisième hadith que l'on a vu, par lequel on a clôturé le chapitre de Tayammum, qui est le hadith de Jabir ibn Abdullah رضي الله تعالى عنهما. Qui se porte volontaire? Hassan. حسن 2 عبد الكريم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رقيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. بعدت في الأرض مسجدا وظهرا, أيما رجل أدركت فستان من قوم أدركته الصلاة فليصلي, وحلت في الغنائم ولم يحل لأحد من غير من قبل. نعم. ورأيت الشفاعة. نعم. وكان النبي يبعث إلى قومه إلى قومه خاصة, وبعثت إلى الناس عامة. أحسن, بارك الله فيك. طيب, يقول المؤلف رحمه الله باب الحيض. في الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله أوغ لو شابيتر دي مونستر باب الحيض. قال الشيخ البسام رحمه الله: الحيض دم جعله الله تعالى من رحمته وحكمته في رحم المرأة غذاء لجنينها، فإذا وضعت تحول إلى لبن لغذاء طفلها، فإذا كانت غير حامل ولا مرضع برز الزائد منه في أوقات معلومة، لهذا يندر أن تحيض الحامل أو المرضع، ويتعلق بخروجه أحكام في العبادات وغيرها. Donc, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit que les menstrues sont un sang qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé, ou un sang qu'Allah azza wa jal, par sa miséricorde et par sa sagesse, a placé dans l'utérus de la femme. Et ce sang est ce qui nourrit le fœtus, et lorsque la femme accouche, eh bien, celui-ci se transforme en lait qui permet de nourrir son enfant. Et lorsque la femme n'est ni enceinte et lorsqu'elle n'allait pas, eh bien, le surplus de ce sang sort pendant des durées bien connues. Ainsi, il est rare qu'une femme enceinte ou qu'une femme qui allait a ses menstrues. Et concernant ce sang, le sang des menstrues, eh bien, il y a de nombreux jugements en rapport avec les adorations et autres qui ont un impact ou qui sont impactés par ce sang. Et le fait que Cheikh rahimahullah dise que le sang des menstrues est un moyen de nourriture pour le fœtus, il ne se nourrit pas de ce sang précisément, mais le corps puise de celui-ci afin de nourrir le fœtus, car vous savez que le fœtus ou l'embryon est nourri à travers son cordon ombilical, et le cordon ombilical n'est composé que de faisceaux sanguins. Donc le fœtus ou l'embryon est nourri par du sang. طيب الحديث التاسع والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري. سنه عائشة رضي الله عنها الجي كفاطمة Bint Abi Hubaysh, radiallahu anha, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: ô envoyé d'Allah, je constate des hémorragies. Fala athur, je ne suis pas en état de purification. Dois-je m'abstenir de prier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, ceci n'est qu'une veine, mais délaisse la prière pendant les jours dans lesquels tu as tes menstrues, puis lave-toi et prie. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version de Al-Bukhari, ce n'est pas le sang des menstrues. Lorsque le sang des menstrues apparaît, alors délaisse la prière, et lorsqu'il s'en va, c'est-à-dire le sang des menstrues, alors lave-toi, lave ce sang et prie. Rawahu al-Bukhari. Gharib al-Hadith. أولا ذلك بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني les choses ou les termes qui ont besoin d'explication, le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم ait dit à Fatima bint Abi Hubaysh إن ذلك, il n'a pas dit ذلك, إن ذلك, car il s'adresse à une femme. ثانيا عرق أي عرق انفجر كما جاء في إحدى الروايات ويقال لهذا العرق العاذل وهو في أدنى الرحم دون قعره ودم الحيض يخرج من قعر الرحم. Deuxièmement, عرق qui était traduit par veine, c'est-à-dire que c'est une veine qui a éclaté, comme cela a été clairement cité dans certaines versions du hadith. Et cette veine est appelée en arabe al-'adhil, et il se trouve, ou cette veine se trouve dans la partie inférieure de l'utérus de la femme. Quant au sang des menstrues, eh bien, il sort du fond de l'utérus. Et c'est une des différences entre le sang de l'haïd, le sang des menstrues, et ce qui est appelé al-istihada, dam ou l'istihada, qui est le sang de l'hémorragie. Ce sont deux types de sang qui sont différents, et les jugements qui découlent après l'écoulement de l'un ou de l'autre sont également différents. Et ces sangs, ou ces deux types de sang, à savoir le sang des menstrues et le sang de l'hémorragie, comportent des différences. Parmi ces différences, celles citées par un Cheikh al-Bassam, rahimahullah, à savoir que le sang des menstrues provient du fond de l'utérus, quant au sang de l'hémorragie, il provient de la fin de l'utérus. Ni de la fin de l'utérus. Et la femme ressent ceci, à savoir elle sait lorsque c'est le sang des menstrues ou lorsque c'est le sang de l'hémorragie. Autrement dit, elle sent qu'il y a, quand c'est plus particulièrement le sang des menstrues, elle sent qu'il y a du sang qui coule alors qu'il ne sort pas encore de son corps. Il y a d'autres différences entre le sang des menstrues et le sang des hémorragies. Parmi ces différences, l'odeur. Le sang des menstrues a une odeur, quant au sang de l'hémorragie, lui, n'en comporte pas. Également, il y a une différence dans la couleur. Le sang des menstrues tend vers le noir et tend vers le foncé. Quant au sang de l'hémorragie, eh bien, c'est un sang qui est rouge vif, rouge clair. Et également, parmi les différences entre le sang des menstrues et le sang de l'hémorragie, c'est que le sang des menstrues ne coagule pas rapidement, c'est-à-dire que lorsqu'il sort du corps, eh bien, il ne se solidifie pas rapidement. Il ne devient pas coagulant ou coaguleux rapidement. Contrairement au sang de l'estihada qui, lui, coagule beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement que le sang des menstrues. Ce sont donc quatre différences entre ces deux types de sang qui sont également quatre moyens pour la femme de pouvoir différencier l'un des sangs par rapport à l'autre. Thalithan, إذا أقبلت الحيضة قال الخطابي بكسر الحاء وغلط من فتحها لأن المراد الحالة وجوز القاضي عياض غيره الفتح وهو أقوى لأن المراد الحيض. Et la parole du Prophète صلى الله عليه وسلم, إذا أقبلت الحيضة, يعني certains savants disent que ce n'est pas, il ne faut pas mettre une fatha sur le ha, mais plutôt une kasra, c'est-à-dire الحيضة, الحيضة. L'avis le plus fort en termes de langue arabe, c'est que le fath est ce qui apparaît le plus probable, à savoir de dire al-haydatu, car il a pour origine le mot hayd. Rabi'an, zakara as-sam'ani أن فدع الصلاة أولى من فترك الصلاة لأنه مما اتفق عليه. Et l'imam al-Sanani, rahimahullah, a dit que le terme fada'i salat est meilleur que le terme fatruki salat. Parce que le prophète a dit, lorsque les monstres viennent, alors délaisse la prière. Le terme da'i salat et utruki salat sont synonymes. La différence est uniquement dans le terme qui diffère, mais le sens est unique. Et le terme da'i est ce qu'il faut le mieux utiliser, car c'est ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ils sont tous deux d'accord sur l'utilisation de ce terme. Al-Ma'n al-Ijmali. Dhakrat Fatimatu bintu Abi Hubaysh للنبي صلى الله عليه وسلم أن دم الاستحاضة يصيبها فلا ينقطع عنها وسألته هل تترك الصلاة لذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة لأن الدم الذي تترك لأجله الصلاة هو دم الحيض وهذا الدم الذي يصيبك ليس دم حيض وإنما هو دم عرق منفجر وإذا كان الأمر كما ذكرت من استمرار خروج الدم في أيام حيضتك المعتادة وفي غيرها فاترك الصلاة أيام حيضتك المعتادة فقط فإذا انقضت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي ولو كان دم الاستحاضة معك. Donc le sens général de ce hadith. Fatima bint Abi Hubaysh رضي الله عنها a expliqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle constatait du sang d'hémorragie qui ne s'arrêtait pas, qui coulait en continuité ou de façon continue. Et elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, devait-elle délaisser la prière? Autrement dit, devait-elle considérer ce sang comme le sang des menstrues? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, ne délaisse pas la prière, car le sang pour lequel l'on délaisse la prière, c'est le sang des menstrues. Quant à celui-ci, ce n'est pas le sang des menstrues, mais c'est un sang qui provient d'une veine qui a éclaté. Et وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرْتِ نَعْمُ. Et si la situation est comme celle que tu as décrite, donc le Prophète sallam lui explique que si la situation qu'elle a citée, à savoir que le sang coule sans arrêt, le sang des hémorragies coule sans arrêt, alors le Prophète sallam lui a dit de s'abstenir de la prière pendant les jours habituel dans lesquels elle a ses sangs de monstrues. Et pendant ces jours, elle délaisse la prière uniquement pendant les jours où elle a l'habitude d'avoir ses menstrues, puis lorsque ces jours se terminent, elle se lave, elle nettoie le sang, puis elle prie, même si le sang de l'hémorragie continue à couler. C'est le sens général du hadith. ما يؤخذ من الحديث شكرا وغتشان في الحديث أولا الفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض فدم الاستحاضة هو المطبق وأما دم الحيض فله وقت خاص. Premièrement, on déduit de ce hadith la différence entre le sang de l'hémorragie et le sang des menstrues. Le sang de l'hémorragie est un sang qui s'écoule de façon continue. Quant au sang des menstrues, il apparaît ou il sort pendant un moment précis, ou pendant une durée précise. ثانياً, إن دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة وسائر العبادات. Deuxièmement, l'écoulement du sang de l'hémorragie n'interdit pas la prière ainsi que les autres adorations. Quoi comme autre adoration? Le jeûne, le tawaf, نعم قراءة القرآن وغيرها la lecture du Coran et autres. ثالثا إن دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها وذكر ابن دقيق العيد أن ذلك كالمجمع عليه من الخلف والسلف إلا الخوارج. Troisièmement, que le sang des menstrues empêche l'accomplissement de la prière sans que la femme n'ait à rattraper celle-ci. Et l'imam Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, a dit que ceci est un sujet qui fait l'unanimité des salafs, les anciens comme ceux qui les ont suivis, exception faite à Al-Khawarij. Al-Khawarij, et l'on verra par la suite le hadith à ce sujet. رابعا إن المستحاضة التي تعرف قدر عادة حيضها تحسبها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم أيام طهرها بالعبادات التي تتجنبها الحائض. Quatrièmement, que la femme qui a du sang ou un écoulement de sang d'hémorragie et qui connaît l'habitude ou les jours habituels de ses menstrues doit compter. Elle doit compter ses jours. C'est-à-dire que lorsque le sang d'hémorragie est continu, eh bien, elle adore Allah Azza wa Jal et elle prie pendant les jours où elle, d'habitude, elle n'a pas les menstrues. Et ces jours habituels dans lesquels elle a les menstrues, elle s'abstient de prier. Ceci, si elle connaît ou si elle a ses menstrues de façon périodique et à des jours bien précis, et ceci au fur et à mesure de l'année. Puis, elle se lave après que ces jours soient passés afin de pouvoir reprendre les adorations dont s'abstient la femme qui a ses menstrues. Ça, c'est concernant la femme qui connaît ses habitudes ou qui a des règles périodiques et qui viennent à des jours bien précis et les mêmes jours du mois. Maintenant, la femme qui n'a pas des menstrues périodiques, comment doit-elle faire ? Hein? Avant ses proches. La mère. Hein? Non, mais là on parle d'une femme qui n'a pas des règles périodiques. La dernière. Hein? La dernière, elle se comporte comme non. Elle s'abstient de faire la ibadat. Et normalement, elle compte le nombre de, généralement, le nombre de jours qu'elle, généralement, elle s'abstient. Oui, généralement. Ça, c'est pour les femmes qui ont leurs menstrues périodiques. C'est-à-dire que, je sais pas, le 5 du mois, elle a ses menstrues. Jusqu'au 11 ou jusqu'au 12. En fonction des, un exemple. Et elle sait que le 5 du mois prochain, eh bien, ses menstrues, elle va les avoir. Ça, c'est une femme qui est réglée et qui a ses règles périodiques. Mais il y a des femmes qui peuvent, qui pendant, pour un mois, eh bien, va voir ses règles le 5, et le mois suivant, ça va être le 16. Ah oui, Hassan, la première chose, c'est de différencier les deux sangs. La première chose, c'est de différencier les deux sangs en utilisant les quatre moyens que l'on a cités tout à l'heure. Le premier qui est la localisation, si elle peut sentir d'où exactement vient le sang, est-ce que c'est plus du fond de l'utérus ou plus vers la fin, ou bien en constatant une odeur, ou bien en constatant la couleur, ou bien en constatant une coagulation rapide. Donc, elle utilise premièrement ses moyens. Si aucun de ces moyens ne lui permette de différencier, alors dans ce cas, elle se fie aux femmes de sa famille, à ses sœurs, à sa mère, etc., qui ont à peu près, et ça c'est de façon générale, à peu près les mêmes périodes. Wallahu a'lam. Khamisan, inna dama najisun yajibu ghasluh. Cinquièmement, le sang est une impureté qu'il faut obligatoirement laver. De quel sang il parle ici? Le sang des menstrues. Ceci est l'unanimité des savants, le fait que le sang des menstrues est une impureté qui doit être lavée. Quant au sang de façon générale, il y a une divergence des savants à ce sujet, et la vie la plus proche, wallahu a'lam, c'est que le sang n'est pas impur, exception faite à au sang qui Ahsant, le sang qui gicle pendant l'égorgement d'une bête. Ou daman masfouha. Sixièmement, sadisan, innahu la yajibu ala al-mustahadati tikrar al-ghusl li kulli dukhul waqt as-salat. Sixièmement, il n'est pas obligatoire à la femme qui constate du sang d'hémorragie de se laver, autrement dit de faire le ghusl, le grand lavage, à l'entrée de chaque prière. Car le professeur Hassan, qu'est-ce qu'il a dit à Fatima bint Abi Hubaysh? Lave-toi. Irtasili. Il n'a pas dit irtasili, li kulli salat. Et le professeur Hassan lui a dit de se laver quand? Une fois que le sang des menstrues s'arrête. سابعا ذكر ابن دقيق العيد ان قوله فاغسلي عنك الدم وصلي مشكل في ظاهره لانه لم يذكر الغسل وانما ولا بد فيه من بعد انقضاء ايام الحيض من الغسل والجواب الصحيح ان هذه الروايه وان لم يذكر فيها الغسل فهي متضمنه له لوروده في الرواية الأخرى الصحيحة التي قال فيها واغتسلي. Dans le hadith, ou dans la version de Al-Bukhari, dans une des versions de Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima bint Abi Hubaysh, et lorsque le sang des menstrues disparaît, فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي. Lave alors le sang puis prie. Ici, le professeur Asselin, dans cette version, qu'est-ce qu'il a dit à Fatima lorsque le sang des menstrues se termine? De laver le sang et de prier. Il ne lui a pas dit de faire le ghusl. Et l'imam ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah, a dit que ceci est problématique, car le ghusl n'a pas été cité alors qu'il est obligatoire lorsque le sang des menstrues se termine. Et la réponse est que Al-Rusl a été cité dans l'autre version du hadith, dans lequel le professeur Hassan a dit Thumma ghtasili wa salli, puis lave-toi, c'est-à-dire fais le Rusl et prie. Donc il n'y a pas de problématique. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. طيب, الحديث الأربعون, le 40e hadith. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة رواه البخاري واللفظ له ومسلم. Selon عائشة رضي الله عنها, elle dit que أم حبيبة a eu des écoulements de sang d'hémorragie pendant 7 années. Pendant 7 ans. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou elle a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, et il lui a ordonné de se laver. Elle se lavait donc avant chaque prière, ou pour chaque prière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'na al-Ijmali, le sens général du hadith. أصابت الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة. أم حبيبة رضي الله عنها qui est la fille de Jahsh. Et la fille de Jahsh. Qui est Umm Habiba? Qui est Umm Habiba? Non? Il y a une femme du professeur Asselin qui s'appelait Umm Habiba. Mais ce n'est pas la Umm Habiba dont il est... dont il est question ici. Ici, il est question de Umm Habiba bint Jahsh. C'est la sœur de Zainab bint Jahsh. Et Zainab bint Jahsh est une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc la sœur de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a eu des écoulements d'hémorragie pendant 7 années. Elle a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la façon de se purifier de ce sang, et le professeur Salem lui a ordonné de se laver, et elle se lavait pour chaque prière. Ikhtilaf al-ulama, la divergence des savants. Ikhtilaf al-ulama fi ghusli al-mustahadat li kulli salah hal yajib aw la, fadhahaba ba'duhum ila wujubih amalan bi ahadith waradat bidhalika fi ba'd as-sunan. وذهب الجمهور من السلف ومنهم علي وابن عباس وعائشة والخلف ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى عدم وجوبه مستدلين بالبراءة الأصلية وهو أن الأصل عدم الوجوب وأجابوا عن أحاديث الأمر بالغسل أنه ليس فيها شيء ثابت وغسل أم حبيبة لكل صلاة إنما هو من عندها ليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لها في كل صلاة وإنما أمرها بالغسل فقط كما هو في الروايات الثابتة وذكر ابن دقيق العيد أنه ليس في الصحيحين ولا أحدهما أنه أمرها بالاغتسال لكل صلاة. La divergence des savants sur le lavage, le fait pour la femme qui a un écoulement de sang d'hémorragie, de se laver pour chaque prière. Est-il obligatoire ou non? Certains savants considèrent qu'il est obligatoire en utilisant, ou pour preuve, certains hadiths rapportés dans les Sunan. Et la plupart des savants, parmi les salaf et parmi eux, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Aisha, mais également après eux, الإمام أبو حنيفة الإمام مالك أحمد رحمهم الله tous considèrent que cela n'est pas obligatoire mais que c'est uniquement recommandé et préférable. Et la preuve est que à la base ou la base dans un jugement c'est qu'il n'est pas obligatoire. La base dans un jugement c'est qu'il n'est pas obligatoire. Et ils ont répondu au hadith qui ordonne le fait de se laver que tous ces hadiths sont faibles et qu'il n'y a pas de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonne à la femme qui a des écoulements de sang d'hémorragie de se laver. Et le fait que Umm Habiba radiallahu anha se lavait à chaque prière, ceci et où cette habitude provient d'elle et elle seule radiallahu anha, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a ordonné de faire ainsi, mais il lui a ordonné de faire al-ghusl comme cela est rapporté dans des versions authentiques, et il n'y a pas de hadith authentique dans Bukhari et Muslim ni dans l'un des deux dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné à Umm Habiba de se laver pour chaque prière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que al-ghusl pour la femme qui a des écoulements d'hémorragie est préférable est préférable, mais ce n'est en aucun cas une obligation. ما يؤخذ من الحديث وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة أيام حيضها. Ce que l'on retient du hadith, l'obligation pour la femme qui a des écoulements de sang, d'hémorragie, de se laver, de faire son ghusl lorsque ses menstrues se terminent. Lorsque ses menstrues se terminent, c'est le seul ghusl qui lui est obligatoire. Et ce ghusl, comme vous avez pu le voir, est-ce qu'il a un lien avec le sang de l'hémorragie ou avec le sang de menstrue? Avec le sang des menstrues. Et le fait que la femme qui a des hémorragies se lave à la fin de ses menstrues, ce n'est pas parce qu'elle a des hémorragies, mais parce que ces menstrues viennent de se terminer. Ensuite, et l'on verra par la suite, il lui est préférable, si elle le désire, de se laver pour chaque prière. Cela est autorisé, mais ce n'est pas une obligation. الحديث الحادي والأربعون le 41e حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب رواه البخاري ومسلم فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. Selon Aïcha radiallahu anha, elle dit que je me lavais, moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un seul et même récipient. Et nous étions tous deux en état de grande impureté. Et elle dit aussi, radiallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ordonnait de mettre ou de porter un izar et il jouissait de moi alors que j'étais en état de réglé, que j'avais mes menstrues. Et elle dit aussi radiallahu anha, et il sortait sa tête, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était en train de faire sa retraite spirituelle, et je lui lavais, c'est-à-dire les cheveux, alors que j'étais en état, ou alors que j'avais mes menstrues. المعنى الإجمالي لسانس جنرال جو حديث اشتمل هذا الحديث على ثلاثة مسائل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته كانا يغتسلان من الجنابة من إناء واحد لأن الماء طاهر لا يضره غرف الجنب منه وإذا كان قد غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. Ce hadith parle de trois sujets. Le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son épouse se lavaient tous deux de l'état de grande impureté en utilisant un seul et même récipient. Car l'eau est pure et le fait qu'une personne en état de grande impureté prenne de l'eau de ce récipient ne rend pas cette eau impure. Et ceci à condition qu'il ait lavé ses mains avant de les introduire dans le récipient. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشرع لأمته في القرب من الحائض بعد أن كان اليهود لا يؤكلونها ولا يضاجعونها. Deuxièmement, le prophète صلى الله عليه وسلم a légiféré ou a voulu légiférer à sa communauté le fait de se rapprocher d'une femme qui a ses menstrues. Et ceci contrairement au peuple juif qui, lorsque l'une de leurs femmes a ses menstrues, ils s'éloignent d'elle, ils ne mangent pas avec elle et ils ne dorment pas avec elle. Et certains même leur construisent une tente devant leur maison et afin qu'elles habitent et qu'elles n'entrent pas dans la maison familiale car ils la considèrent comme étant impure. Yani la dernière phrase est de moi. Cher s'est arrêté au fait que les juifs ou le peuple juif ne mangent pas avec elle et ne dorment pas avec elle. Mais d'autres juifs font bien plus. Comment comprendre la parole de Cheikh Al-Bassam lorsqu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu légiférer pour sa communauté? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam légifère? Là? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam légifère? Non? Il transmet, on est d'accord que c'est un transmetteur. Ça, tout le monde est d'accord. Mais la question c'est, est-ce que c'est aussi un législateur, sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est oui. La réponse est oui, et il y a beaucoup de hadiths qui prouvent cela. Parmi ces hadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Laoula an ashuqqa ala ummati » La preuve est la parole du prophète, si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière ou pendant chaque ablution. Il y a d'autres hadiths aussi qui prouvent que le prophète est aussi un législateur et que le prophète a aussi cette faculté ou ce pouvoir ou l'autorisation de légiférer pour sa communauté sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Wa thalitha anna al-ha'id la tadkhulu al-masjid li'alla tulawithuh wa li hadha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhruju ilayha fi baytiha ra'sah wa huwa fi al-masjid fataghsiluh mimma yadullu ala anna qurb al-ha'id la mani'a minhu لمثل هذه الأعمال وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود. Troisièmement, le troisième sujet est le fait que la femme qui a ses menstrues n'entre pas dans la mosquée afin de ne pas la tâcher. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait sa tête lorsqu'il était à la mosquée, et entrait sa tête dans la maison de Aïcha radhiyallahu anha afin qu'elle lave ses cheveux ou qu'elle le peigne dans d'autres versions. Alors que lui était dans la mosquée. Ceci prouve que de se rapprocher d'une femme qui a ses menstrues, que cela, il n'y a pas de mal à se rapprocher d'une femme qui a ses menstrues et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré cela en guise de facilité après que certains peuples comme le peuple juif ont été ou ont restreint ce domaine. À coup les hal, c'est l'avis de Cheikh Al-Bassam rahimahullah ta'ala, à savoir que la femme qui a ses menstrues n'entre pas dans la mosquée. Et à ce sujet, il n'y a pas de hadith qui est clair et authentique qui interdit à une femme d'entrer, une femme qui a ses menstrues, d'entrer à la mosquée. À coup de hal, c'est une mas'ala khilafiyya. Et il y a des hadiths dans le Bukhari, entre autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé à Aïcha radhiyallahu anha de lui apporter une boisson ou une nourriture. Il faudrait que je revoie le hadith. Et le hadith est dans le Bukhari. ما يؤخذ من الحديث سكون وجهان في الحديث أولا جواز اغتسال الجنوبين من إناء واحد. Premièrement, l'autorisation pour les époux en état de grande impureté de se laver en utilisant un seul et même récipient. ثانيا جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج وأن بدنها طاهر لم تحل فيه نجاسة بحيضها. Deuxièmement, on retient de ce hadith l'autorisation de jouir de la femme qui a ses menstrues sans ou en s'abstenant d'avoir un rapport intime, et que le corps de la femme qui a ses menstrues est pur et le fait qu'elle ait ses menstrues ne tâche pas ou ne rend pas impur le reste de son corps. ثالثا استحباب لبسها الإزار وقت المباشرة. Troisièmement, qu'il est recommandé à la femme de porter un izar. Qu'est-ce qu'un izar? C'est le vêtement qui cache la partie inférieure du corps. Et qu'il est conseillé à la femme, ou qu'il est recommandé que la femme porte un izar au moment ou pendant que son mari jouit d'elle, ou jouit de son corps. Et ceci est tiré du hadith où Aïcha a dit كان يأمرني فأتزر. Le professeur Sam m'ordonnait et je mettais un izar. رابعا اتخاذ الأسباب المانعة من الوقوع في المحرم. Quatrièmement, on déduit de ce hadith qu'il faut mettre en œuvre ou œuvrer en faisant les causes qui vont nous permettre de nous éviter ou qui vont nous éviter de tomber dans l'interdit. Comment est-ce qu'on déduit cette faïda? Le fait de mettre le izar. Pourquoi est-ce que le professeur sallam a demandé à Aïcha de porter un izar? Non, de façon préventive, qui permet de prendre ses précautions pour ne pas tomber dans le péché qui est d'avoir un rapport intime avec son épouse qui est indisposée. Khamisan, man'u dukhul al-ha'id al-masjid. Cinquièmement, l'interdiction à la femme qui a ses menstrues d'entrer à la mosquée. Et comme on l'a vu, c'est l'avis de Cheikh al-Bassam rahimahullah et l'avis d'autres savants. C'est une mas'ala khilafiyya, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à ma connaissance et selon l'avis d'autres savants également, il n'y a pas de hadith authentique et clair qui interdit à la femme indisposée d'entrer à la mosquée. Sadisan, ibahatu mubasharatiha al-ashya'a ratbatan aw yabisah. Wa min dhalika ghasl ash-sha'ri wa tarjilih. Sixièmement, qu'il est autorisé à la femme de toucher des choses sèche comme humide, comme le fait de laver des cheveux ou de peigner des cheveux. Car certains considèrent que celui qui touche, ou lorsque la femme indisposée touche quelque chose, eh bien, cette chose devient automatiquement impure. Et la preuve, c'est que Aïcha Adolana lavait les cheveux du prophète et lui peignait, donc elle touchait les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sabi'an, inna al-mu'takifa idha kharaja ra'sahu min al-masjid la yu'addu kharijan minhu wa yuqasu alayhi ghayruhu min al-a'dha' idha lam yakhruj jami'a badanihi. Septièmement, et ceci est en rapport avec les règles de la retraite spirituelle, de l'i'tikaf, et le fait que al-mu'takif, celui qui fait sa retraite spirituelle à la mosquée, et de façon plus précise, où elle se fait le plus généralement pendant les 10 derniers jours du Ramadan, mais il est autorisé de le faire pendant d'autres moments. Lorsque le mu'takif, et vous savez que parmi les conditions de l'i'tikaf, c'est que la personne ne doit pas sortir de la mosquée. Et ce hadith prouve que celui qui sort sa tête de la mosquée n'est pas considéré comme étant sorti de la mosquée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti sa tête de la mosquée et l'a entrée dans la maison de Aïcha qui est collée à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par analogie, il en est de même pour tous les membres du corps. Donc celui qui sort un pied ou un bras de la mosquée, eh bien il n'est pas considéré comme étant sorti de la mosquée et son i'tikaf n'est donc pas annulé. Et ceci à condition que son corps, que tout son corps ne sorte pas. Donc, pour qu'une personne soit considérée sortie de la mosquée, il faut que tout son corps soit à l'extérieur de celle-ci. Allahu a'lam. الحديث الثاني والأربعون le 42e حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن رواه البخاري ومسلم غريب الحديث يتكئ في حجري يتكئ مهموز ويجوز الفتح والكسر في الحاء min hijri wa huma lughatan. Donc selon Aïcha radhiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se posait sur mon giron alors que j'étais indisposé et il lisait le Coran. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Les termes qui demandent explication dans le hadith, il se posait sur mon giron. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que signifie le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se posait sur mon giron? Il posait sa tête, sallallahu alayhi wa sallam. Et le giron, c'est ce qu'il y a entre le nombril et le genou lorsque la personne est assise. Et il est autorisé de dire hijri ou al-hijr ou al-hajr. Donc Aïcha a dit yattaki'u fi hijri, mais il est aussi autorisé de dire yattaki'u fi hajri. Les deux sont acceptés en langue arabe. Al-ma'na al-ijmali. Dhakarat Aïcha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqra'u al-Qur'an fi hijriha wa hiya ha'id, mimma yadullu ala anna badana al-ha'ida tahirun لم ينجس بالحيض أو لم ينجس بالحيض. Le sens général du hadith. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran dans son giron ou sur son giron alors qu'elle était indisposée. Ce qui prouve que le corps de la femme indisposée est pur et qu'il n'est pas rendu impur par les menstrues. ما يؤخذ من الحديث اولا جواز قراءه القران في حجر الحائض لانها طاهره البدن والثياب. Premièrement, on retient de ce hadith qu'il est autorisé de lire le Coran concernant Allah en étant appuyé ou en étant posé sur le giron de son épouse indisposée, car elle est pure à la fois son corps et ses vêtements. Thaniyan, tahrimu qira'ati al-Qur'an 'ala al-ha'id akhdan min tawahhum imtina' al-qira'ati fi hijr al-ha'id, qalahu ibn Daqiq al-'Id. Comment traduire ça? Deuxièmement, l'interdiction, on déduit l'interdiction pour une femme qui est indisposée de lire le Coran. Et ceci de par la suspicion que la lecture est interdite pour elle. Et c'est l'avis de l'imam Ibn Daqiq al-Aid, rahimahullah. Et l'argumentation, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le Coran alors qu'il était posé sur le giron de Aïcha. Cela prouve que, ou il y a une suspicion que si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a lu le Coran, c'est parce que Aïcha ne pouvait pas le lire car elle était indisposée. Vous avez compris? Ça c'est l'avis de l'imam Daqiq al-Aid, mais d'autres savants ont dit que cela n'est pas une preuve et que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait lu ne veut pas dire qu'il était interdit à Aïcha radiallahu anha de le faire. Et que l'avis le plus sûr, Allah a'lam, c'est qu'il est autorisé à une femme indisposée de lire le Coran. Ensuite, là où il y a la divergence, c'est lui est-elle autorisée de lire sur le Mus'haf ou non. Mais de lire le Coran de son apprentissage ou de ce qu'elle connaît du Coran par cœur, cela est autorisé selon l'avis le plus proche, Allah a'lam. الحديث الثالث والأربعون le 43e حديث عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه البخاري ومسلم. Selon Mu'adha radiyallahu anha, elle dit, j'ai questionné Aïcha radiyallahu anha et je lui ai dit, qu'en est-il de la femme indisposée? Elle rattrape le jeûne mais ne rattrape pas la prière. Et Aïcha radiyallahu anha lui a dit, es-tu une harouriya? Elle a dit, non, je ne suis pas une harouriya, mais je pose une question. Elle a dit, c'est-à-dire Aïcha radhiyallahu anha, ceci nous arrivait, c'est-à-dire les menstrues, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, et on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Rabib al-Hadith. Les termes qui méritent explication. Aharuriyatun anti. Es-tu une haruriyah? Nisbatun ila baldatin qurba al-Kufa. Ismuha harura. خرجت منها أول فرقة من الخوارج على علي بن أبي طالب وصار الخوارج يعرفون بالحرورية. Es-tu une harouriya? Harouriya qui qui rapporte يعني, ou qui fait allusion à une ville près de Al-Kufa qui s'appelle Al-Haroura, une ville en Irak à côté de Al-Kufa qui est appelée Haroura. Et c'est de cette ville que les premiers Khawarij sont sortis contre Ali ou se sont soulevés contre Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, et ainsi Al-Khawarij ont été appelés ou ils sont connus par le mot al-haruriyah. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. Sa'alat mu'adatu Aisha an al-sabab alladhi min ajlihi ja'ala ash-shari'u an al-ha'idha taqdi an al-ha'id taqdi ayyam haydha allati aftaratha wa la taqdi salawatiha zaman al-hayd ma' ishtirak al-ibadatayn fi al-fariidah bal inna as-salata a'zamu min as-siyam. وكان عدم التفريق بينهما في القضاء هو مذهب الخوارج المبني على الشدة والحرج فقالت لها عائشة منكرة عليها أحرورية أنت تعتقدين مثل ما يعتقدون وتشددين كما يشددون فقالت لست حرورية ولكني أسأل سؤال متعلم مسترشد فقالت عائشة كان الحيض يصيبنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نترك الصيام والصلاة زمنه فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة ولو كان القضاء واجبا لأمر به ولم يسكت عنه فكأنها تقول كفى بامتثال أوامر الشارع والوقوف عند حدوده حكمة wa rushda. Le sens général du hadith. Mu'adha radiallahu anha a questionné Aïcha sur la cause qui par laquelle le législateur, qui est Allah Azzawajal, a légiféré à la femme indisposée de rattraper les jours dans lesquels elle était indisposée et qu'elle n'a pas jeûné, et qu'il ne lui est pas demandé de rattraper les prières lorsqu'elle est indisposée. Alors que ces deux adorations se rejoignent dans le fait qu'elles sont toutes deux obligatoires. Plus encore, la prière est plus importante que le jeûne. Aucun est le fait de ne pas séparer entre la prière et le jeûne était un acte que faisait Al-Khawarij. Al-Khawarij qui, ou pour lesquels le chemin, ou le chemin qu'ils ont emprunté est un chemin dur dans lequel ils se rendent la vie difficile et dans lequel ils abusent également dans la religion. Et ceci était connu, c'était l'un des actes dont ils étaient connus, ou par lequel ils étaient connus, à savoir que la femme qui est indisposée doit rattraper ses jours non jeûnés, mais elle doit aussi rattraper ses prières non priées. Et pour cela que Aïcha radiallahu anha a répondu à Mu'adah en la réprimandant, es-tu une harouria qui a les mêmes croyances qu'eux et qui est aussi dure qu'eux, en parlant de l'Khawarij? Et Mu'adha a dit, non, je ne suis pas une harouria, mais je pose une question, la question de celui qui désire apprendre et qui désire et qui demande d'être sur le droit chemin. Et Aïcha radiallahu anha lui a alors dit que les menstrues, que nous avions nos menstrues pendant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous délaissions, c'est-à-dire pendant que nous étions indisposés, nous nous arrêtions de jeûner et de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait uniquement de rattraper les jours de jeûne. Et il ne nous ordonnait pas de rattraper les prières. Et si de rattraper la prière pour une femme indisposée était obligatoire, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de le faire et il ne se serait en aucun cas tu. C'est comme si, Cheikh al-Bassam dit, c'est comme si Aïcha radiallahu anha lui disait à Mu'ad radiallahu anha, contente-toi de te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de t'arrêter à ses limites, car elles ne sont que sagesse et droit chemin et guidée. Elles ne sont que sagesse et guidée. C'est clair ou pas pour le sens du hadith? طيب ما يؤخذ من الحديث, ce que l'on retient du hadith. أولا إن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات فهي عبادة مستمرة ويحصل من إعادتها وقضائها مشقه أيضا. Premièrement, que la femme indisposée rattrape les jours de jeûne non jeûnés et qu'elle ne rattrape pas la prière, car la prière s'accomplit chaque jour à cinq fois. C'est donc une prière, une adoration qui est habituelle et continue. Et le fait de la refaire ou de la rattraper serait une énorme contrainte. ثانياً إن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أمته على شيء يعد من السنة. Deuxièmement, ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a accepté et ce qu'il a laissé faire à sa communauté fait partie de la sunna du prophète. Comment Aïcha radhiyallahu anha a-t-elle déduit qu'une femme qui a ses menstrues n'a pas à rattraper sa prière? Non, ça c'est l'explication de Cheikh Bessam. Mais sinon, Aïcha de Nouan a dit on ne nous ordonnait pas, Hassan, de rattraper les prières. Donc, elles avaient leur menstru, et lorsque leur menstru était terminé, le Prophète sallam leur a enseigné de rattraper le jeûne. Elles n'ont pas demandé au envoyé d'Allah et pour la prière, car elles savaient. Elles savent que le Prophète sallam sait pertinemment qu'une femme qui a ses menstrues ne prie pas. C'est quelque chose que tout le monde sait, que tout musulman sait. Une femme indisposée ne prie pas. Et le fait que le Prophète sallam ne dise pas à une femme qui n'est plus indisposée de rattraper sa prière, cela prouve qu'elle n'a pas à le faire. Thalithan, al-inkar wa ala kulli man sa'ala su'al tana'ut wa mujadala. Troisièmement, le fait de réprimander ceux qui posent des questions dans le but de polémiquer et de contredire. Qu'Aïcha radiallahu anha, qu'a-t-elle dit? Comment a-t-elle répondu à Mu'adha? Es-tu une haruriya? Et ceci est une réponse qui comporte une force et une force de caractère. C'est une réponse qui est dure et qui est, on va pas dire violente, mais qui est dure. Ceci car le fait de poser ce genre de questions, ou c'était un sujet connu que des Khawarij. Et elle pensait, Aïcha de Rahim pensait que elle en faisait peut-être partie. Elle ne l'a pas jugée, elle a d'abord posé la question, mais elle avait une forte suspicion. Ainsi, lorsqu'une personne pose une question, et lorsque tu sais, de par ton expérience, de par ton flair, ou de par la question, la façon par laquelle la question est posée, également en regardant les gens qui sont présents dans l'assemblée, eh bien tout ceci peut te permettre, lorsqu'une personne pose une question, de savoir si cette personne la pose effectivement parce qu'elle est ignorante et qu'elle veut connaître la réponse, ou bien si c'est une personne qui pose la mauvaise question au mauvais moment, au mauvais endroit et de façon volontaire. Ceci pour créer une discorde ou pour lancer une polémique, etc., etc. En ce cas, il est autorisé à la personne qui répond de lui répondre de façon dure, de façon froide, pour couper court à tout mal. Rabi'an, tabiyinu l'ilm liman talabahu lit-ta'allum wa l'istirshad. Quatrièmement, d'enseigner la science à celui qui la demande pour apprendre et pour rester dans le droit chemin. Qu'Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle a su que Mu'adh a posé cette question de façon sincère et effectivement pour apprendre sa religion, elle lui a alors enseigné la science. Khamisan, kawnul ha'id la taqdi as-salata li ajli al-mashaqqa min al-adillati allati tuqarriru al-qa'idata al-islamiyyata al-'amma wa hiya in al-mashaqqata tajlibu at-taysir. Cinquièmement, le fait que la femme indisposée ne rattrape pas les prières à cause de la grande contrainte que cela pourrait causer. Cela est une des preuves qui vient une nouvelle fois appuyer la règle générale islamique qui est que la contrainte tire vers la facilité. La contrainte tire vers la facilité. À savoir qu'il est contraignant, ou il serait contraignant pour une femme de rattraper les prières qu'elle n'a pas accomplies pendant qu'elle était indisposée. Cela serait une énorme contrainte. Donc l'islam est venu pour apporter la facilité et à exempter la femme de rattraper ses prières. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك